leurs grands jeux de mains sales, leurs maths et leurs échecs. Y aura-t-il toujours ces gosses qui naissent dans la négoce, au plaisir d'en avoir peut-être